Bélier. Si l'inquiétude règne au foyer, le célibataire de son côté noue des amitiés auxquelles il peut se confier. Taureau, les couples nagent dans le bonheur et les célibataires, eux, se font de nouvelles relations. Gémeaux, un peu de vague à l'âme sur le plan sentimental, essayez de relativiser. Cancer, vous serez au top de votre charme, ce qui vous permettra de séduire sans le chercher vraiment. Lion, les conditions sont optimales pour vivre une période faste sur le plan amoureux. Vierge, n'adoptez pas une attitude trop tyrannique vis-à-vis des autres. Balance, trop d'hésitation est la source de la plupart des petits problèmes rencontrés. Essayez plutôt de trancher. Scorpion, faire des économies c'est bien, mais sachez également vous faire plaisir. Sagittaire, un sentiment d'angoisse injustifié pourrait vous saisir. En effet, la chance se profile à l'horizon. Capricorne, excellente journée pour l'étude de sujets intellectuels ou artistiques. Verseau, si votre intérieur nécessite quelque amélioration, n'hésitez pas à faire une virée au magasin de bricolage. Poisson, n'exigez pas trop de votre partenaire et sachez à l'occasion lui offrir un petit cadeau.